Voici un astérisque astérisque plan détaillé et structuré astérisque astérisque pour votre livre, avec une astérisque astérisque introduction claire astérisque astérisque, une astérisque astérisque explication du contenu astérisque astérisque, et un astérisque astérisque chapitre dédié à la biographie d'Ousmane Sonko astérisque astérisque en tête de la première partie. Ce plan combine astérisque astérisque rigueur académique astérisque astérisque, astérisque astérisque source vérifiée astérisque astérisque, et astérisque astérisque approche narrative astérisque astérisque pour un livre à la fois documenté et captivant. # astérisque astérisque titre du livre astérisque astérisque. Astérisque astérisque Ousmane Sonko, le combat pour une Afrique souveraine aux biographies, idéologie et réforme d'un leader panafricain astérisque astérisque. # astérisque astérisque préface astérisque astérisque astérisque optionnel, à rédiger en dernier, astérisque. Astérisque astérisque par un intellectuel africain ou un acteur politique astérisque astérisque, exemple, Aminata Traoré, Kémi Séba, ou un universitaire spécialiste de l'Afrique de l'Ouest. Astérisque astérisque thème astérisque astérisque, l'émergence d'une nouvelle génération de leaders africains, la quête de souveraineté, et l'héritage de Sonko dans l'histoire politique sénégalaise. # astérisque astérisque introduction générale astérisque astérisque. # astérisque astérisque 1. Contexte, l'Afrique en quête de souveraineté astérisque astérisque. La vague de contestation postcoloniale en Afrique de l'Ouest, Burkina Faso, Mali, Niger. Le rôle des mouvements panafricains et anti-France-Afrique. L'aspiration des jeunes africains à une rupture avec les modèles néocoloniaux. # astérisque astérisque 2. Pourquoi un livre sur Ousmane Sonko, astérisque astérisque. Astérisque astérisque un symbole astérisque astérisque, Sonko incarne la lutte pour la dignité, la transparence et l'indépendance économique. Astérisque astérisque un parcours unique astérisque astérisque, de l'inspecteur des impôts radié au premier ministre réformateur. Astérisque astérisque un laboratoire politique astérisque astérisque, le Sénégal comme exemple de transition démocratique et de réforme souverainiste. # astérisque astérisque 3. Méthodologie et sources astérisque astérisque. Astérisque astérisque approche astérisque astérisque, biographie politique plus analyse des réformes plus contexte géopolitique. Astérisque astérisque source astérisque astérisque. Discours et écrit de Sonko, astérisque pétrole et gaz au Sénégal astérisque, astérisque solution astérisque. Article de presse, BBC Afrique, Jeune Afrique, CNews, Le Soleil. Rapport d'ONG, Greenpeace, Transparency International. Témoignage, militant PASTEF, pêcheur, expert. # astérisque astérisque 4. Structure du livre astérisque astérisque. Présentation rapide des astérisques astérisque 7 parties astérisque astérisque et de leur articulation. # astérisque astérisque première partie, la formation d'un leader biographie d'Ousmane Sonko astérisque astérisque. Astérisque, chapitre dédié, comme demandé, astérisque. # astérisque astérisque chapitre 1, enfance et origine, 1974-1990s, astérisque astérisque. Astérisque astérisque naissance et famille astérisque astérisque, né le 15 juillet 1974 à Thiès, dans une famille modeste. Son père, employé des chemins de fer, et sa mère, femme au foyer. Astérisque astérisque éducation astérisque astérisque, scolarité à Thiès, puis à Dakar. Influence de l'islam soufi, confrérie Tidjane, et des valeurs de discipline et de justice sociale. Astérisque astérisque contexte politique astérisque astérisque, le Sénégal sous Abdou Diouf, années 1980-1990, marqué par le clientélisme et la dépendance économique. Astérisque astérisque source astérisque astérisque. Interview de proches, famille, amis d'enfance. Archives locales, école de Thiès, témoignage. # astérisque astérisque chapitre 2, l'inspecteur des impôts de la fonction publique à la révolte, 1990-2016, astérisque astérisque. Astérisque astérisque formation à l'ENA astérisque astérisque, diplômé de l'École nationale d'administration, section impôts et domaines. Astérisque astérisque carrière et révélation astérisque astérisque. Dénonciation des fraudes fiscales impliquant des proches du pouvoir, notamment sous Macky Sall. Création du astérisque astérisque CED, syndicat autonome des agents des impôts et domaines, astérisque astérisque en 2013. Astérisque astérisque la radiation de 2016 astérisque astérisque. Contexte, publication d'un rapport accablant sur la corruption. Conséquence, devenant une figure de l'opposition, il se tourne vers la politique. Astérisque astérisque source astérisque astérisque. Décret de radiation, 2016, archives du ministère des Finances. Témoignage de collègues du CED. Article de presse, 2016, astérisque le quotidien astérisque, astérisque sud quotidien astérisque. Dies dies dies astérisque astérisque chapitre 3, la naissance du PASTEF, l'entrée en politique, 2014-2017, astérisque astérisque. Astérisque astérisque fondation du PASTEF astérisque astérisque, 2014. Objectif, lutte contre la corruption, souveraineté économique, justice sociale. Slogan, astérisque le peuple d'abord astérisque. Astérisque astérisque première bataille astérisque astérisque. Dénonciation des contrats pétroliers opaques, astérisque pétrole et gaz au Sénégal astérisque, 2018. Alliance avec les mouvements sociaux, exemple, astérisque y en a marre astérisque. Astérisque astérisque élection comme député, 2017, astérisque astérisque. Score, élu dans le département de Dakar. Discours inaugural à l'Assemblée nationale, astérisque nous sommes ici pour briser le système astérisque. Astérisque astérisque source astérisque astérisque. Statut du PASTEF, 2014. Astérisque pétrole et gaz au Sénégal astérisque, Sonko, 2018. Compte-rendu parlementaire, 2017. Dies dies dies astérisque astérisque chapitre 4, l'épreuve du feu répression et résistance, 2018-2024, astérisque astérisque. Astérisque astérisque l'affaire Adjissa, 2021, astérisque astérisque. Accusation de viol et menace, Sonko dénonce un complot politique. Manifestation et répression, mars 2021, 14 morts, centaines d'arrestations. Astérisque astérisque condamnation judiciaire, 2023, astérisque astérisque. Condamné pour diffamation, puis inéligible à la présidentielle de 2024. Emprisonnement et libération sous pression populaire. Astérisque astérisque stratégie politique astérisque astérisque. Soutien à Bassirou Diome Faye, candidat au plan B du PASTEF. Victoire présidentielle de Faye, mars 2024, et nomination de Sonko comme Premier ministre. Astérisque astérisque source astérisque astérisque. Arrêt judiciaire, 2021-2023. Rapport d'ONG, Amnesty International, HRW, sur la répression. Astérisque solution astérisque, Sonko, 2018, pour son programme politique. Dies dies dies astérisque astérisque chapitre 5, le style Sonko au portrait d'un leader controversé astérisque astérisque. Astérisque astérisque personnalité astérisque astérisque. Charismatique, direct, parfois provocateur. Influence de Cheikh Anta Diop, panafricanisme, et de Thomas Sankara, intégrité. Astérisque astérisque méthode astérisque astérisque. Utilisation des réseaux sociaux pour contourner les médias traditionnels. Mobilisation de la jeunesse et de la diaspora. Astérisque astérisque critique astérisque astérisque. Accusé d'autoritarisme par ses opposants. Tension avec les partis traditionnels, PS, AP. Astérisque astérisque source astérisque astérisque. Interview de militants PASTEF. Analyse de politologue, exemple, Mamadou Diouf, UCAD. Dies dies astérisque astérisque deuxième partie, le projet politique, idéologie et vision astérisque astérisque. Astérisque, à développer après la biographie, avec les chapitres sur le panafricanisme, la souveraineté, et les réformes économiques. Astérisque. Dies dies astérisque astérisque troisième partie, le pouvoir, victoire et défi, 2024-2025, astérisque astérisque. Astérisque, inclure les chapitres sur les élections législatives, la réforme de la pêche, et les tensions avec Diome Faye. Astérisque. Dies dies astérisque astérisque quatrième partie, les débats critiques et controverses astérisque astérisque. Astérisque, analyser les oppositions internes et externes, la question de l'AES, et les enjeux sociétaux. Astérisque. Dies dies astérisque astérisque cinquième partie, l'héritage aux places dans l'histoire astérisque astérisque. Astérisque, bilan de son action, comparaison avec Mamadou Dia, et perspective pour l'Afrique. Astérisque. Dies dies astérisque astérisque conclusion générale astérisque astérisque. Astérisque astérisque bilan astérisque astérisque, réussite, pêche, Assemblée nationale, et défi, tensions internes, réformes inachevées. Astérisque astérisque impact régional astérisque astérisque, influence sur l'Afrique de l'Ouest, Burkina, Mali, Guinée. Astérisque astérisque ouverture astérisque astérisque, Sonko comme symbole d'une Afrique en mouvement. Dièse dièse astérisque astérisque annexe astérisque astérisque. 1. Astérisque astérisque chronologie détaillée astérisque astérisque, 1974-2025. 2. Astérisque astérisque discours marquant astérisque astérisque, extraits annotés. 3. Astérisque astérisque documents officiels astérisque astérisque, décrets, accords de pêche. 4. Astérisque astérisque glossaire astérisque astérisque, PASTEF, AES, France-Afrique. 5. Astérisque astérisque bibliographie astérisque astérisque, sources primaires et secondaires. Dièse dièse astérisque astérisque exemple de rédaction pour le chapitre 1, biographie, astérisque astérisque. Astérisque astérisque extrait enfance à Thiès, les racines de la révolte d'astérisque astérisque. Astérisque Ousmane Sonko est né le 15 juillet 1974 à Thiès, ville ouvrière du Sénégal, où les rails du chemin de fer croisaient les rêves d'une jeunesse en quête d'avenir. Fils d'un agent des chemins de fer et d'une mère au foyer, il grandit dans un quartier modeste, marqué par les valeurs de l'islam Tidjane, discipline, humilité, et sens de la justice. Dès l'école primaire, ses professeurs notent son esprit critique et son refus des injustices, un trait qui, des décennies plus tard, fera de lui l'ennemi juré des élites corrompues, astérisque. Astérisque à l'adolescence, Thiès est un creuset politique. Les grèves des cheminots, les discours de Cheikh Anta Diop, originaire de la région, et les récits de la lutte anticoloniale nourrissent sa conscience. Je me souviens de mon père me disant, on ne plie pas les chines, raconte un proche. C'est cette phrase qui l'a guidé quand il a refusé de se taire face à la corruption. Astérisque. Astérisque astérisque source pour cet extrait astérisque astérisque. Témoignage anonyme d'un ami d'enfance, 2023. Archives scolaires de Thiès. Dièse dièse dièse astérisque astérisque prochaines étapes astérisque astérisque. 1. Astérisque astérisque valider la structure astérisque astérisque, ce plan vous convient-il? Souhaitez-vous ajouter ou supprimer des sections? 2. Astérisque astérisque approfondir un chapitre astérisque astérisque, je peux rédiger un chapitre complet, exemple, chapitre 2 sur sa carrière d'inspecteur, avec citation et source. 3. Astérisque astérisque identifier des contacts astérisque astérisque, liste de personnes à interviewer, famille, militants, experts. Astérisque astérisque question astérisque astérisque. Voulez-vous que je développe astérisque astérisque un autre chapitre de la biographie astérisque astérisque, exemple, l'affaire Hadji Sarr ou sa stratégie politique? Ou préférez-vous passer à la astérisque astérisque deuxième partie astérisque astérisque, idéologie et réforme?